Je vais de ville en village pour y chercher de l'ouvrage. Je vais de ville en village pour y chercher de l'ouvrage. Je voulais mettre en état vos cheminées, vos cheminées. Je voulais mettre en état vos cheminées du haut en bas. C'était la fille d'un riche bourgeois qui m'arrêtait en passant. C'était la fille d'un riche bourgeois qui m'arrêtait en passant. Elle me dit, petit ramoneur habile, veux-tu venir amener la cheminée de ma fille? Tu la lui mettras en état, sa cheminée. Tu la lui mettras en état, sa cheminée du haut en bas. Dans sa chambre je suis monté, dans sa cheminée j'ai regardé. Dans sa chambre je suis monté, dans sa cheminée j'ai regardé. Votre cheminée est trop étroite pour y passer ma raclette, car ni ma raclette ni mon bras dans votre cheminée, car ni ma raclette ni mon bras dans votre cheminée ne passeront pas. La belle me dit d'un bon cœur, vous n'êtes donc pas un ramoneur. La belle me dit d'un bon cœur, vous n'êtes donc pas un ramoneur. J'en connais dans la ville de bien plus fort et plus habile qui me la mettront en état, ma cheminée, qui me la mettront en état, ma cheminée du haut en bas. De suite me suis mis à genoux pour mieux en venir à bout. De suite me suis mis à genoux pour mieux en venir à bout. Et je l'attrape par les deux fesses et à grands coups de raclette, lui en mettrai tant qu'il y en aura dans votre cheminée, lui en mettrai tant qu'il y en aura dans votre cheminée du haut en bas. La belle était si bien ravie de tes devoirs tomber la suie. La belle était si bien ravie, c'était de voir tomber la suie. Qu'elle en prit plein ses poches, et dans ses bras elle m'emporte, en criant, ah le voilà, le ramoneur du haut temps.